vous êtes à l'écoute de... Transgenard. Oui, bonsoir. On est à l'émission Transgenard sur la radio Air Libre. Comme tous les mercredis soirs à 23h normalement, avec un retard c'est souvent, et jusqu'à 22h, 22h30. L'adresse de studio c'est Chaussée d'Alsenberg 365A à Forêt. Bon, le numéro de téléphone, moi je ne connais pas par cœur, mais ce n'est pas grave. C'est indiqué là, oui, c'est 02 344 58 55. Bon, normalement, c'est Nicole qui fait l'introduction de l'émission, on n'est pas ici ce soir. Nicole Axel, son nom de vacances. Donc, on a une équipe réduite, mais voilà, on gère. Ici ce soir, on n'est pas toute seule comme équipe Transgenard. On a deux invités qui viennent assez récents de Venezuela et qui vont donner leur regard sur la situation en Venezuela. Et voilà, pour que vous pouvez vous présenter, pourquoi, et peut-être dire un petit mot, pourquoi vous êtes allé en Venezuela. Bonsoir. On m'appelle Philippe, et je fais partie de la plateforme Venezol, qui regroupe une série d'associations qui travaille depuis maintenant presque 2 ans à essayer de diffuser une information autre que celle qu'on a généralement sur le Venezuela. Donc nous avons un site qui s'intitule venezol.org sur lequel nous publions tous les jours une série d'articles et d'informations qui essaient de faire comprendre ce qui se passe et ce qui se trame pour l'instant au Venezuela. Nous avons créé également, avec la plateforme Venezol, un réseau européen de solidarité avec la révolution bolivarienne. Et notre position est assez claire. Nous ne sommes pas, comme Venezol, les défenseurs du gouvernement de Maduro, mais nous défendons l'idée de la révolution bolivarienne qui a été mise en place à l'époque de Chavez. Alors moi, je suis parti au Venezuela le 15 février, je suis rentré le 1er avril. La raison pour laquelle je suis parti, c'est que depuis un an et demi, je traduisais des articles à peu près tous les jours pour le site, et j'avais envie de pouvoir me rendre compte par moi-même de ce qui se passait dans le pays, de rencontrer les gens que je traduisais, voir un peu comment fonctionnait réellement le pays. Donc je ne suis pas parti au nom de Venezol, je suis parti là-bas par mes propres moyens tout seul pour voir comment ça fonctionne, cette révolution bolivarienne et le pays en général. Pas de chance, je suis mal tombé, c'est juste au moment où Guaido a décidé de s'autoproclamer président. Et donc la situation du pays qui n'est pas simple depuis un certain temps, aujourd'hui est vraiment compliquée. Et donc c'est de cela qu'on va parler ce soir, de ce que nous avons vu. Je ne suis pas parti seul, je suis parti avec Guillaume qui va se présenter. Mmh. Donc, comme Philippe vient de le dire, je m'appelle Guillaume. Je suis parti donc pendant un peu plus longtemps que Philippe. Je l'ai rejoint mi-février donc. Et la raison pour laquelle je suis parti, c'était parce que depuis longtemps, je suis dans les réseaux de solidarité avec l'Amérique latine, les mouvements de gauche et sociaux locaux. Et le Venezuela a longtemps été une interrogation parce que les informations qui nous parviennent en Europe ne sont pas claires, sont contradictoires, sont d'une propagande extrêmement forte. Il est très dur de pouvoir tirer une opinion de ce qu'il nous parvient. Et donc, lorsqu'avec Philippe, plusieurs fois, nous en avons parlé, c'était sous forme de blague au début, d'y aller. C'était un projet qui émergeait. Et puis moi, ça fait depuis 6 mois que je suis sur la visite de plusieurs milieux alternatifs, collectifs révolutionnaires et collectifs en opposition avec les États dans lesquels ils vivent, en Europe principalement. Et donc continuer sur le Venezuela était dans la logique toute tirée de ce voyage qui a commencé donc en octobre. Et donc rejoindre Philippe et faire ensemble ce trajet à travers un pays qui est donc en train de traverser une crise profonde, a été une expérience intéressante et je pense qu'il y a beaucoup à dire. Mais je tiens à préciser que ça restera la vie d'une personne, que ça n'engage en rien les personnes sur place et que toute information qui proviendrait de là-bas ou d'ici est éminemment propagandiste et d'un point de vue. Et que donc le point de vue que je compte donner, c'est celui de mon vécu sur place. Oui. Et si j'ai bien compris, vous avez quand même votre parti avec une idée de faire un documentaire aussi. Donc vous êtes allé avec un caméra et audio, je sais pas. Ouais. Je pense qu'on peut remettre aussi dans le contexte. Ça fait longtemps qu'on est nous-mêmes impliqués dans les réseaux sociaux européens, principalement en Belgique, pays où on vit et où on est actif. Et donc on a déjà filmé, enregistré des audios, écrit des articles ici, et donc dans la lignée de cette logique même de dire il y a la contre-information, il faut que nous-mêmes au niveau des mouvements sociaux, on crée notre propre information. On est parti sur place en se disant bah, de notre propre point de vue, on va filmer, enregistrer, écrire, en essayant de donner notre point de vue, ce n'est pas la vérité, mais notre point de vue. Et là, vous avez eu des contacts, parce que comment on fait pour y aller dans ce pays-là, dans cette situation-là? Comment on y arrive à faire des choses? Mais les contacts, c'est assez simple. Avec Vénésol, on a organisé une rencontre ici à Bruxelles de différents comités ou groupes de soutien européens au Venezuela. Et une série de Vénézuéliens sont venus également. Et donc là, il y a un premier contact qui a été pris. Puis, dans le courant du mois de décembre, quelqu'un est venu de là-bas de Caracas, s'appelle Oscar, qui s'occupe notamment d'un groupe qui s'appelle le Comando Creativo. C'est un groupe qui existe depuis des années, qui fait du graphisme militant, des peintures murales et autre chose. Et donc, comme j'avais eu un contact avec lui, quand j'ai dit que je comptais passer au Venezuela, bah, il m'a proposé de passer chez lui. Ouais. Donc, c'est aussi simple que ça. Et les contacts, à partir de là, se développent sur place en rencontrant l'un et l'autre. Mais je crois que Guillaume avait aussi d'autres contacts par ailleurs. Mais je pense que, de façon générale, on peut dire que tous les réseaux militants, en tout cas en Europe et puis plus largement dans le monde, sont quand même liés. Mm-hmm. Et que donc, finalement, moi aussi, des amis d'ici connaissaient des personnes de là-bas de très longue date, ont eu des collaborations sur de multiples niveaux, que ce soit les médias populaires, révolutionnaires, que ce soit dans la création artistique, qui rejoint ce que Philippe disait avant, pas les mêmes collectifs, pas les mêmes orientations. Et donc, finalement, ça a été un mélange de deux réseaux, plusieurs réseaux, et ça permet d'avoir aussi un avis plus éclaté et intéressant. Mmh. Plus ou moins négatif, plus ou moins positif. Et donc, tu parles, tu es invité d'abord dans un certain communat, et ça se trouve où? C'est près de Caracas ou je ne sais pas comment on doit... Allez, pas si là, vous voulez là dire. Oui, là où on s'est retrouvé, ça s'appelle l'Ateneo Popular, qui se situe à Caracas, dans un quartier plutôt chic, tout près de l'université. C'est pas ce qu'on appelle une comuna, c'est plutôt une communauté. Mm-hmm. Enfin c'est un des seuls collectifs indépendants de Caracas. Oui. Donc il y a une dizaine de personnes qui vivent dans une maison et qui s'organisent et qui la gèrent à la fois pour y vivre et pour rayonner de manière culturelle et politique autour d'eux. Mm-hmm. Et donc là, vous êtes commencé. Là, vous avez eu déjà des certaines visions, entendu plein de choses. Et donc, c'est en plein milieu Caracas. Et donc, comment la situation était là-bas au moment que vous êtes arrivé et comment ça allait? Comment dire ça? Donc, je ne connais plus les dates précises quand a commencé le 7 mars. Les coupures, c'est le 7 mars. Ah non, mais avant, les manifestations pro-Guaido et les manifestations chavistes. Donc dès le départ, après deux jours, on était de suite dans les manifestations pour voir comment ça se passait aussi. Autant la manifestation de l'opposition que la manifestation de pro-gouvernementale, ou en tout cas chaviste. Et donc, comment est-ce qu'on peut décrire ça? La première chose, c'est la température. Donc, tu arrives là-bas, tu pars de Bruxelles, il y a 3-4 degrés, tu arrives là-bas, il y en a 35, et tu es dans un autre univers, un autre son et d'autres relations avec les gens. Et tu es de suite embarqué dans leur histoire. Tu n'as pas le temps de te retourner, tu es de suite pris dans un mouvement de ce qui se fait, de ce qui se vit, de ce qu'eux-mêmes subissent quotidiennement, quoi. Donc, tu n'as pas le temps de te retourner. Tu rentres là et tu es pris dans leur histoire. Et apparemment, si j'ai bien compris de Guillaume, l'expérience de manif, c'était aussi quelque chose, non? Tu étais quand même surpris de certaines façons, comment la police réagissait, comment c'était organisé, comment ça se passait. Je pense que sur ce point-là, pour juste replanter le décor, d'une part, il y a les manifestations opposition et manifestations anti-impérialistes ou pro-gouvernement qui ont lieu simultanément dans la ville, à des endroits différents. Et la situation dans les deux cas est totalement différente. Non seulement au niveau sociologique, non seulement au niveau du lieu de travail, non seulement au niveau idéologique, mais en plus dans la façon dont ça va se dérouler. Par exemple, dans les manifestations pro-gouvernementales, en tant que blanc avec un appareil photo, j'ai été plusieurs fois contrôlé par les services de la sécurité présidentielle ou de renseignement, et c'est entre guillemets logique vu la quantité de propagande et le fait que j'étais présent en tant que citoyen et pas en tant que journaliste et que j'avais aucune accréditation. De l'autre côté, ce qu'on entend par rapport à l'opposition, c'est les manifestations ont beaucoup de mal, elles sont réprimées fortement et n'ont pas la possibilité d'exprimer leur opinion. J'ai pas envie de prendre position sur la chose, par contre ce que moi j'ai observé, ce que Philippe, on se pourra confirmer, n'était franchement pas de ce niveau-là. Et de mon expérience de manifestation, en tout cas française et un peu belge, de ce que j'ai vu des derniers temps, notamment la dernière manifestation climat avec les gilets jaunes, c'est pas le même niveau d'activité de la police en termes de répression. Je ne défends pas pour autant la police, mais le cordon de police est resté à sa position, et quand un groupe de manifestants est arrivé par l'arrière, au lieu de se mettre à tirer dans tous les sens comme je connais certaines personnes qui l'auraient fait notamment ici en Europe, ils ont ouvert le cordon de police et laissé passer pour que les manifestants puissent se rejoindre. De la manifestation de l'opposition. Et de l'opposition, tout à fait. Donc ce qui était assez impressionnant, c'était de voir la quantité de policiers et de la milice qui était là, mais qui protégeait les manifestants. Donc on n'était pas du tout dans une confrontation. Donc là, quand on parle de dictature, je n'en connais pas beaucoup qui permettent à leurs opposants et qui les protègent par les forces de l'ordre. Et ce qui est aussi assez remarquable, c'est de voir que la presse internationale, qui elle, je suppose, a dû demander des accréditations pour être présente dans le territoire, était présente uniquement, et je précise bien uniquement, sur la manifestation d'opposition avec masque à gaz, garde du corps, grosse voiture, etc., etc. Sans rigoler, on a des photos pour prouver si les gens le veulent. Et à aucun moment, à part d'autres amis militants belges qui sont sur place, il y en a deux autres, bon ben voilà, on n'a jamais croisé d'autres blancs dans les manifestations, du coup, enfin, anti-impérialistes, pro-gouvernementales. Je pense que ça plante aussi le décor sur la façon dont vont être orientées les informations que l'on reçoit ici en Europe. Tout à fait, parce que ça aussi, vous êtes parti avec une vision qu'on vous vient de dire que difficile à comprendre d'ici, d'Europe, de tout ce qui se passe là-bas. Est-ce que vous pouvez dire plus sur Chavez, est-ce qu'il y a des choses qui... Parce que tantôt, Philippe, tu m'avais raconté un peu des choses que sur le... que Chavez avait un slogan et qu'il voulait l'autonomie pour le peuple, si j'aime bien dire ça, au plus de pouvoir local, communal. Comment ça s'est installé de véritable, et comment vous avez vu certaines choses sur place, et pour mieux comprendre aussi qu'est-ce que ça veut dire ce communa, de quoi on parle là exactement, ouais. Donc je propose d'intervenir d'abord. Je pense que la continuité entre Chavez et Maduro a été compliquée. Mais alors, je précise que je parle d'un récit de récits. Et ce récit que je vais réciter est un agrégé de plusieurs points de vue qui ont été reçus, de personnes qui sont soit encore pro-chavistes, soit sont des chavistes complètement désabusés. Je pense aujourd'hui que les comunas, et donc je préfère parler du présent, de ce que moi j'ai observé, sont des outils que, à certains endroits, et pas toutes les comunas, mais à certains endroits, sont utilisés comme des outils de résilience face à la crise. Et que dans certaines comunas que nous avons visitées, ils mangent mieux que dans d'autres endroits, notamment dans les Andes. Ils ont la possibilité de faire des échanges, de créer une banque communale, de créer des monnaies locales qui permettent d'échanger effectivement des biens et des services alors qu'il n'existe plus de cash dans la société, ou presque plus, et qu'il est très difficile d'en trouver, de pouvoir payer avec. Que les virements électroniques existaient jusqu'au 7 mars, date des coupures de courant, où c'est revenu à Caracas, avec 3 coupures quand même, mais le reste du pays n'a jamais récupéré totalement. Et que donc, même les virements électroniques sont devenus difficiles, si pas impossibles. Et donc, le fait d'avoir créé des monnaies locales, le fait d'avoir créé des banques communales, le fait d'avoir commencé à avoir des activités, comme ils appellent là-bas, socio-productives, que ce soit la production de pain, que ce soit la production de légumes, que ce soit la communalisation du transport, que ce soit la communalisation de la revente, de la production des différentes personnes individuelles au sein de la communa, des différentes familles, a permis à ces personnes d'avoir une bien meilleure vie, de pouvoir passer à travers la crise qui dure maintenant depuis bien longtemps, 3 ans de façon extrêmement dure, d'une façon qui est impressionnante. Il est possible encore aujourd'hui, malgré la coupure de courant, malgré la première coupure de courant, d'arriver dans une comuna qui est retirée dans la montagne, pourtant très fort encore connectée malgré tous les problèmes de transport avec les villes de l'État de Lara. Et les gens ont encore de quoi manger, contrairement à la difficulté que les personnes dans la ville ont pour pouvoir se fournir et où les comunas, qui existent aussi en ville, ont une forme qui est principalement de coopérative de consommateurs ou de comuna de consommateurs qui produisent peu mais qui se rassemblent ensemble pour faciliter leur approvisionnement. Et donc, à nouveau, on voit que c'est devenu des outils qui facilitent leur approvisionnement. Alors, pour répondre exactement à la question, et puis je laisse la parole à Philippe, pour moi, ce qui s'est passé, c'est une évolution, et là, je répète des récits de personnes, où il y a eu une tentative classique pseudo-socialiste de dire on va passer par les coopératives pour réussir un changement de société. Chavez l'a tenté jusqu'en 2009, donc de 2002 à 2009, et comme ils le disent là-bas, ils ont créé des éléphants blancs. Ils se sont plantés la figure. Chavez, entre-temps, et son gouvernement et l'ensemble de l'État ont commencé à autoriser et à créer l'instrument juridique, la comuna, qui s'inspire fortement des principes libertaires de la commune. Ce qui est relativement impressionnant et en même temps un peu bizarre de se dire on a institutionnalisé dans la loi des communes. N'empêche que de 2009 à 2013, année de sa mort, ils ont investi de l'argent. Il y avait de l'argent et une partie du développement des communas est due au fait que celles-ci pouvaient bénéficier pas seulement de subsides, mais en fait de financement structurel de l'État et se mettaient en parallèle d'un système hiérarchique top-down, du haut vers le bas, où il y avait un État fédéral qui dirige les États fédérés, qui dirige eux-mêmes des municipaux, qui sont l'équivalent des provinces ou de régions françaises, provinces belges, régions françaises, qui eux-mêmes dirigent des parroquias, qui sont l'équivalent des communes belges, disons cela comme ça. Et les communas sont venus se mettre en parallèle. Et en 2012, dans un discours qui est aujourd'hui extrêmement connu de Chavez, il a dit « Aujourd'hui, c'est comuna au nada, les communes ou rien. » Et c'est en quelque sorte un cri de désespoir et en même temps d'espoir pour dire « La corruption et la gestion est tellement difficile dans ce pays, les interventions extérieures sont tellement difficiles, les attaques extérieures étaient déjà importantes sous Chavez. » Que le fait de redonner le pouvoir au peuple par le biais des comunas était un moyen important pour lui, pour créer quelque chose. Et Maduro ne l'a pas encore détruit. Même si depuis 2015, elles ne reçoivent plus aucun subside, les comunas continuent à survivre, non pas parce que c'est des instruments de l'État, mais parce que c'est des instruments pour mieux vivre pour la population. Et donc pour moi, ça montre qu'à défaut d'être parfaite, ils ont réussi à créer des outils pour l'émancipation des peuples, en tout cas du peuple vénézuélien, ou en tout cas de sa survie ou de son mieux vivre malgré la crise. Oui. Tantôt, Philippe, tu avais dit aussi des trucs. Tu ne laisses pas grand-chose à ajouter. Oui, quand même, un truc important que tu m'as dit tantôt, le rôle des femmes là-dedans. Tu dis que beaucoup de communes sont gérées par des femmes et que le rôle des femmes dans ce pays... Pour ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu dire, à peu près 80% du travail qui est réalisé est des personnes qui s'investissent dans le fonctionnement et dans l'exercice de la comuna, ce sont des femmes. Mais en même temps, comme c'est un pays qui est très machiste, moi, je ne peux pas m'empêcher de sourire, parce que le jour où Guillaume va faire une interview dans une comuna, dans l'état de Lara, la première personne qui se présente pour en parler, c'est un homme, quoi. Alors qu'on savait très bien que ce sont des femmes qui s'en occupent, quoi. Mm-hmm. Donc c'est assez amusant de voir. Il y a dans la législation, dans la constitution bolivarienne, il y a tout un volet relatif aux droits des femmes. Mais la grosse difficulté, c'est que dans les faits, c'est très difficile de le faire passer. Donc c'est un pays qui reste où il y a un travail énorme à réaliser au niveau du droit des femmes. Mmh. Mais dans les faits, les femmes sont prépondérantes dans le fonctionnement des communes. Ouais. Peut-être on peut passer à une musique, parce que vous avez mené pas mal de choses de musique, si j'ai bien compris. Et donc c'est aussi des musiques locales qui sont produites par des groupes de là-bas. Des groupes de lutte. Voilà, si tu veux dire un mot là-dessus encore, avant qu'on lance un premier morceau, je sais pas. Du coup, nous avons demandé, quand on nous a dit qu'on pouvait amener des musiques, on a demandé aux personnes du collectif de Caracas, donc de l'Athénée Populaire, s'ils pouvaient nous envoyer des musiques, des luttes locales, plus que même que le reggaeton, qui est la musique qu'on entend partout, sur toutes les radios, dans tous les bus, qui est un peu la pop musique d'ici, mais la pop industrielle, on va dire ça comme ça. Et donc, ils nous ont envoyé des noms de groupes qui sont des groupes qui ont participé aux luttes, qui ont cette culture-là. Et donc, c'est ceux-là qu'on a avec nous. Ok. On sait qu'est-ce que c'est là ? Oh, on parle après, peut-être. Après. Tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera en sudadera y pa'l río, mi toalla remonta lo tuyo y lo mío, amanece bien pero bien la mío. Tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera en sudadera y pa'l río, mi toalla remonta lo tuyo y lo mío, amanece bien pero bien la mío. Y vámonos pa'l monte, monte, ¿dónde? Que te componte, ponte, ponte, sácate lo malo. Monos pa'l monte, rama aquí, rama allá, que te compongo. Con un agua querido inspirado, greña margariteña enredado, que me enseña a tejer pa' comer y traerle un pescado colorado bien pesado. La llevo pa'l Caribe, caliente sin frío, miramos los problemas, vimos sonreídos. Cuero, tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera, sudadera, monos pa'l río. Tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera, sudadera y pa'l río, mi toalla rejunta lo tuyo y lo mío, amanece bien pero bien la mío. Tambor y cuero, cuero sin lío, sudadera, sudadera y pa'l río, mi toalla rejunta lo tuyo y lo mío, amanece bien pero bien la mío. Le echaré limón a tus siete potencias, cangrejo, moluco, pa' llegar. nadie muere de frío. En carne espíritu estamos fundidos, no confundidos, no busquen lío. En la calle hay un gentío, hay un gentío, hay calor y frío, hielo derretido, échame la bendición, pásame lo mío. Que te toca ponte, digo pa'l monte, amor, amor, amor, que te toca ponte. Toujours dans l'émission Tranche d'un art et donc sur la thématique de Venezuela, la situation actuelle. Elle est actuelle apparemment des derniers mois. Mais apparemment, pour quand même encore bien situer pour les... Parce que c'est vrai qu'on a commencé l'émission en pensant, voilà, tout le monde sait qu'est-ce qui a suivi un peu les actualités d'aujourd'hui. Mais peut-être quand même un vu un peu plus, un petit résumé... d'évolution, comment, pourquoi maintenant cette vie quotidienne est devenue tellement difficile et voilà, et qu'est-ce que sont les enjeux là-dedans, très brièvement, s'il y a moyen de donner contextualiser les choses. Je pense que pour comprendre la situation au Venezuela, il faut remonter bien plus loin, mais je ne vais pas en parler énormément non plus. Je pense que l'histoire des luttes aujourd'hui au Venezuela commence dans les années 30, années 50, années 60, avec une guérilla armée qui a créé des tunnels, qui avait des fabriques d'armes. On en a trouvé des livres qui en parlent dans des comunas dans les montagnes. Mmh. Et cette culture de la résistance s'est perpétuée aujourd'hui. En 89, un premier soulèvement a lieu, populaire, contre le gouvernement de droite qu'il y avait à l'époque, 3000 morts. En 92, tentative de coup d'état de Chavez, qui finalement se fait mettre en prison, qui est relâché relativement libre rapidement pour un coup d'État raté, et qui en 98 est élu. 99, il lance sa première constituante, un phénomène quand même peu connu dans le monde. Il y a l'Islande qui en a tenté un et qui n'a jamais abouti. Donc le Venezuela est quand même un des seuls pays au monde qui a lancé une constituante, un processus de constituante. 2002, coup d'État contre lui, mené apparemment contre les États-Unis, où des personnes qui manifestaient pour la libération de Chavez se sont fait abattre par des tireurs d'élite sur un pont qu'aujourd'hui en manifestation on croise à chaque fois et qu'on voit, il y a des statues, il y a encore une commémoration de tous ces morts dans les murs, il y aurait encore apparemment des traces de balles, on ne les a pas vues, on a essayé de les trouver. Et puis après 2002, donc comme on a dit auparavant, tentative de création des coopératives, tentative de création d'un certain État socialiste sur base d'un certain idéal. Chavez n'était pas un socialiste de base. Il était adepte de la troisième voie, un peu à la mode Tony Blair, en 1998. Donc il a vraiment changé au cours de sa vie. Et si on a bien entendu, et donc je fais que réciter ce que d'autres m'ont dit, il aurait eu un mode de vie où tous les matins jusqu'à 10-11 heures du matin il aurait eu un mode d'étude, il se levait tôt, il faisait du sport, il allait étudier et puis il venait seulement au travail et aux affaires de l'État. Donc évolution de sa doctrine, évolution de la doctrine de son gouvernement, tout en réussissant un coup majeur et un coup de force de négocier en interne, en externe, avec les États-Unis, avec l'Europe, avec les entreprises, avec le gouvernement, avec l'opposition, avec les différents mouvements sociaux, en les incluant dans les processus qui aujourd'hui peut poser des problèmes sur la façon dont ça a été fait, n'empêche qu'il a réussi à créer un mouvement qui, lorsque les coopératives n'ont pas fonctionné, ils ont pu lancer les communas. Les communas, qu'est-ce que c'est ? Les communas, c'est un outil juridique qui peut se choisir tout seul d'être dépendant de l'État entièrement, partiellement dépendant de l'État ou totalement indépendant de l'État dans la création de ces entreprises. En tant que tel, c'est quoi ? C'est un statut juridique qui permet à des personnes vivant sur un même territoire, ayant un même objectif, de créer une structure qui va être reconnue par l'État et qui va pouvoir réaliser un certain nombre d'activités dites socioproductives. C'est quoi ? C'est-à-dire que si je veux créer un conseil communal qui est la base de ma commune, on va pouvoir commencer à faire une boulangerie. Par contre, si on est plusieurs conseils communaux qui font non seulement de la boulangerie, mais qui font aussi de la couture, atelier couture, qui font aussi de la production d'horticulture, fruits et légumes, maraîchage, qui font aussi de la production de produits un peu manufacturés, et qu'on se met ensemble, et qu'on représente un certain seuil. Donc il faut au minimum qu'il y ait X conseils communaux, qui chacun représente minimum 500 personnes. Il y a la possibilité de créer une commune. Et cette commune, dans la loi, il est prévu qu'elle puisse faire partie d'une fédération de communes. Et cette fédération de communes, peut se coordonner avec d'autres fédérations pour créer une confédération. En gros, ce qu'ils ont créé en 2007, 2008, 2009, c'est un outil juridique qui permet de contrebalancer, entre guillemets, le pouvoir d'une structure hiérarchique classique d'État, État issu de la colonisation espagnole. Autrement dit, cela veut dire que des personnes qui font partie d'un conseil communal peuvent se coordonner en communa et décider de faire un certain nombre de choses. Alors aujourd'hui, on n'a jamais entendu parler de fédération et de confédération de communa. C'est un outil juridique qui existe, mais qui n'est pas implémenté dans ce que l'on a pu observer. Par contre, les communas le sont bien, et les conseils communaux sont réels. Ils ont remplacé les conseils de voisins, qui étaient un outil ultra-libéral, qui datait des ères des gouvernements libéraux de droite avant Chavez. Et donc, il est intéressant de voir comment ils ont recyclé des anciennes institutions, les ont modifiées et leur ont donné de nouveaux droits, mais aussi des nouvelles manières de fonctionner. Ils ont demandé à ce qu'elles soient horizontales, qu'elles puissent avoir un fonctionnement d'assemblée, qu'elles puissent délibérer et fonctionner et prendre des décisions sur des compétences qui rentrent en conflit avec les compétences des parochiales, des municipaux et des États. Et en plus de cela, qu'elles aient un droit d'exiger une action de l'État classique. Donc un conseil communal est en mesure d'exiger la reconstruction d'une de ses routes. Et l'État devrait y répondre. Alors la justice du pays est ce qu'elle est, elle ne fonctionne pas aussi bien qu'elle devrait l'être. N'empêche que juridiquement, ils ont donné le droit à un conseil communal de le faire. Donc en gros, l'évolution qu'il y a eu, c'est un shift complet entre une structure de droite, issue de la colonisation dans les années 90 et avant, vers des structures qui ont tenté d'être coopérativistes, puis qui n'ont pas fonctionné, et donc ont été vers une structure institutionnalisée, mais néanmoins horizontale, fonctionnant par la base. Donc c'est les conseils communaux qui s'agrègent en communa, qui s'agrègent en fédération, qui s'agrègent en confédération, et qui prennent les décisions par la base avant de passer au niveau de coordination. Et donc, ce n'est pas un niveau supérieur, c'est des niveaux de coordination. Et donc, c'est vraiment l'idéal libertaire institutionnalisé face à face avec un niveau étatique. Et ça, c'est ce qui est vraiment intéressant. Et donc, comment fonctionne un conseil communal ? C'est des réunions plus ou moins fréquentes. Je ne me rappelle plus la fréquence. Tu te rappelles la fréquence ? C'est des réunions plus ou moins fréquentes. Mais ça veut aussi dire que cette communa est en mesure de reprendre le pouvoir sur des activités étatiques. Et donc, par exemple, la distribution des caisses CLAP qui sont apparues il y a un an et demi, ces caisses CLAP peuvent être distribuées par la communa et non plus par un conseil de personnes vivant dans un quartier. Et donc, la communa peut reprendre le pouvoir sur la distribution de nourriture au sein de son territoire. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que nous, en tant que personnes vivant sur le même territoire, ayant les mêmes intérêts, on peut décider de se coordonner, de dire « notre nourriture, on va la gérer ensemble. On va gérer ensemble notre approvisionnement. » Et ça, c'est colossal. Et on parle de quelle échelle, là ? Parce que quand tu dis les communes, donc, les gens peuvent se mettre ensemble et on parle d'une échelle minimum pour survivre aussi, parce qu'il faut un certain nombre, je suppose, pour... pour pouvoir produire et pour pouvoir gérer toutes ces tâches, parce qu'on doit gérer tout ça toute seule. Donc il n'y a plus rien qui s'est fait par l'État, donc tu dois prêter. C'est pas non que plus rien ne se fait non par l'État. Philippe, tu veux réagir ? Ou il y a certains postes qui sont autogérés alors, ou certaines choses que les gens ont choisi de gérer eux-mêmes. Et ça peut complètement changer des intérêts, des envies des gens, c'est ça ? Oui, absolument. Ça dépend un peu des nécessités des différents endroits également. Une des communas qu'on a visitées, ils ont créé également une école qui sert en même temps d'atelier, enfin de centre créatif et de centre pour recevoir les enfants. Donc c'est vraiment en fonction des besoins et des moyens dont ils disposent. Et comment on décide ça, avec combien de personnes, je peux imaginer ces assemblées ou ces conseils, c'est combien de personnes qui décident, comme c'est plutôt une école ou c'est plutôt télécommunication, c'est plutôt une production agriculture qu'on va faire ensemble. Allez, c'est... Je peux avoir donner des exemples. Je pense que c'est mieux. En fait, il y a une limite légale et puis il y a la réalité pratique. Mmh. Et la réalité pratique, je propose que vous allez la voir sur le site. Donc, vous allez sur le site du ministère du pouvoir populaire des comunas. Et de là, vous pouvez trouver l'institution qui recense publiquement l'ensemble des comunas sur le territoire. Elles sont plus de 50 000. Concrètement, dans les comunas que j'ai vues, que Philippe a vues, que nous avons vues, il y a des comunas qui font 150 km². Donc c'est colossal, 150 km², c'est plus que la taille de Bruxelles, qui sont en zone rurale, qui regroupent 1250 familles. Et il y a d'autres comunas qui sont à Caracas, qui regroupent deux tours d'immeubles. Ça fait 2000 personnes. Et donc, en fait, les comunas changent d'échelle, de nombre et de taille en fonction de là où elle se trouve. Et je pense que ça revient à ce qu'on disait auparavant. Une comuna de ville n'est pas une comuna de campagne. Une comuna de plaine avec de l'agriculture industrielle n'est pas une comuna des Andes où il y a de l'agriculture paysanne. Et donc je pense que c'est bien important de comprendre que ce que va décider un conseil communal des Andes, où ils produisent toute l'horticulture, donc fruits, légumes, ne vont pas prendre les mêmes décisions qu'un conseil communal qui se trouve en plaine où ils produisent 3000 hectares. Même si certaines communas comme El Maïsal produisent des choses très intéressantes et sont en opposition forte en fait avec le gouvernement actuel. Et va permettre de lutter en fait en fonction de ce que les personnes vont décider. Une communa va pouvoir se mettre en lutte avec les échelons de pouvoir, avec une légitimité légale, va pouvoir lutter contre la paroquia, le municipio ou l'État. Ok, parce que le conseil communal, c'est quand même encore des élections. Allez, c'est une institution politique comme on connaît ici, ou c'est quand même des communas qui ont choisi eux-mêmes certaines personnes sur certains postes. C'est juste pour mieux comprendre. Si j'ai bien compris, il y a des élections au niveau des communas et il y a des candidats qui se présentent et qui sont choisis par les membres de la commune. Donc il y a tout un processus électoral et il y a des conditions pour pouvoir se présenter aux élections. Après, je pense que là, il est très important de faire deux différences. La première, c'est qu'il y a des gouvernements communaux qui se créent. Donc le conseil communal va élire un représentant qui va pouvoir être au niveau du gouvernement communal. Donc l'agrégation des conseils communaux en une comuna. Par contre, à l'initiation du processus, il y a eu la comuna Tarawa qui s'est créée à Barquisimeto, qui est une ville de 2 millions d'habitants dans l'état de Lara, à l'ouest du pays, sur la limite nord des Andes, là où les Andes vont rejoindre l'océan Atlantique, la mer des Caraïbes. Et en fait, ce qu'ils ont fait à la base, c'était l'opposé de ce que voulait le gouvernement, c'est-à-dire des élections. Ils fonctionnaient en assemblée complète. Et donc, il y a eu des années de lutte entre les deux. Donc, ce n'est pas la première communa qui a été inscrite au registre des communas. Et aujourd'hui encore, un conseil communal fonctionne en assemblée. Par contre, la communa fonctionne par élection avec un gouvernement communal. Par contre, en fonction de là où on se trouve, la façon dont ils vont gérer la chose est relativement libre. Donc, soit ce sera plutôt un représentant de ce que vraiment dit le conseil communal, soit la personne pourra prendre plus ou moins de pouvoir. Donc le niveau de pouvoir sont différentes aussi dans chaque communa et comment les gens s'organisent entre eux ou s'opposent ou pas. Bah, par exemple, dans la montagne, où il y avait les chemins des anciens guerriers dans les années 60, ils ont une tradition de lutte très forte. Et là-bas, j'ai eu l'impression, ça c'est mon impression, que le fonctionnement de l'élection existait parce qu'il est légal, mais que globalement, ils tentaient quand même d'avoir un fonctionnement par assemblée. Et la distribution des caisses clap était une chose assez intéressante quand on l'a vu sur place. Oui, oui, tout à fait. Et ce qui se passe aussi, il y a une série de personnes qui sont élues dans la comuna, puis il y a toutes les personnes qui gravitent autour et qui la font fonctionner, qui ne sont pas nécessairement élues, mais qui travaillent pour la comuna. Donc si une des conditions pour être élue est d'être vénézuélien, il y a pas mal de Colombiens qui vivent dans la région et qui collaborent au fonctionnement des comunas. Donc c'est... Et en même temps, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que les comunas se créent en fonction des besoins également. Mmh. Et d'un moment, il y a une nécessité qui apparaît, et donc des personnes se mettent ensemble et rêvent un projet et le mettent en place. Donc c'est assez spontané en vivant le jour en jour. Allez, ça, je ne sais pas à quel point c'est spontané, mais oui, en tout cas, la création... Oui, il y a une nécessité, les gens se disent qu'il faut chercher une solution pour un problème. Il faut se mettre ensemble, il faut... Ouais. Oui, oui, par exemple, par rapport à l'approvisionnement dans certains quartiers de Caracas, il y a intérêt à se mettre ensemble pour faire venir un camion de légumes qui viendra tous les 15 jours ou tous les mois. Et donc, c'est un groupement d'acheteurs, si tu veux, qui se met en place et qui est géré par une comuna. Parce que c'est quand même un côté incroyable dans une situation de crise où les gens pensent qu'on peut réagir complètement autrement, on peut réagir vraiment comme en compétition les uns les autres. Allez, donc, parce que si tu donnes dans une certaine nécessité, le truc de solidarité, c'est pas tout à fait évident. donc c'est quand même des structures qui existaient, ou une manière de faire qui existait déjà, que les gens étaient déjà en réseau et ont cette mentalité de ensemble on peut survivre, ou je ne sais pas comment le oui, voir. Mais je crois que si Chavez a réussi quelque chose, c'est quand même la politisation de la population. Et donc les gens savent très bien pourquoi ils défendent, même s'ils ne sont pas d'accord entièrement avec le gouvernement, ils savent pourquoi ils défendent la révolution bolivarienne. Et c'est la première fois dans leur histoire qu'ils ont la possibilité d'avoir un pouvoir. Et donc ça, pour eux, c'est extrêmement important, évidemment. Et ils ne sont pas prêts à lâcher ce genre de pouvoir qu'ils auraient donné, et ils feront tout pour le défendre. Donc c'est un genre d'éducation populaire qui s'est installée. Et non, populaire et politique, surtout. Et je crois qu'il y a une belle tradition anti-impérialiste au Venezuela, comme dans pas mal de pays d'Amérique latine, d'ailleurs. Mais... Ouais, Guillaume, tu voulais réagir, je vois. Populaire, je ne sais pas. En tout cas, ce que ça a permis, le processus sous Chavez, c'est que les 80% les plus pauvres de la population ont eu accès à une forme de mode de vie qui était nettement supérieure à celui d'auparavant. Ils pouvaient manger, ils pouvaient vivre, ils avaient accès à des habitats modernes, construits en dur, construits avec des cuisines, construits avec du gaz, construits avec de l'électricité, avec l'électricité quasiment gratuite, avec de l'eau gratuite presque, avec des transports publics quasiment gratuits, avec des services publics gratuits, santé, éducation, jusqu'au niveau universitaire, etc., etc. Alors certains diront oui, mais l'université était partiellement gratuite déjà auparavant, sous les régimes de droite. N'empêche qu'il y a eu la totalité ou presque de la population, moyennant ceux qui n'ont jamais été reconnus par l'État, qui ont eu accès à ce mode de vie. Je ne dis pas qu'il est positif. Je dis juste qu'ils ont eu accès à ça. Et donc ça leur a donné une conscience de... Avant, on nous maltraitait, et on nous maltraitait sérieusement, on était des exploités. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a le droit, la dignité de vivre avec de la nourriture tous les jours, avec la possibilité de me transporter, de me soigner, de m'éduquer. Et rien que ça, si on appelle ça éducation populaire, je suis totalement d'accord. Ouais, c'est vraiment colossal de voir qu'aujourd'hui, même dans des franges de quartiers populaires, les gens ne se soulèvent pas face à la crise. C'est pas parce qu'ils aiment bien le gouvernement. c'est parce qu'ils savent bien que si la droite et l'extrême droite avec Guaido aujourd'hui gagnent, on sait survivre, ça, on sait avoir... Ce sera même pas pire, ce sera l'opposé. Ce sera l'opposé. C'est pas seulement les États-Unis qui gagnent, c'est un mode de vie raciste, c'est un mode de vie qui se base sur l'exploitation totale de l'autre. Je dis pas que Chavez était un socialiste pur, j'ai juste... Ce qu'ils ont mis en place, c'est des systèmes qui ont permis à l'ensemble, ou une bonne partie de la population, de sortir d'une pauvreté extrême qui était leur cas auparavant. Et que la crise actuelle est en train de remettre comme condition parce que le gouvernement manque de moyens pour pouvoir le maintenir. Et ça, c'est grave. Mais ça ne fera pas en sorte que cette population qui a gagné cette conscience-là change aujourd'hui. La génération future, peut-être. Celles qui vont venir, peut-être. Mais pas toutes les générations, les 3 ou 4 générations qui ont connu les 10-15 ans que Chavez et Maduro ont continué, qui ont permis à des personnes de vivre dignement. Je ne dis pas que c'était bien. Au moins, ils ont pu vivre dignement et sans être trop exploités. Oui, parce que ça, on n'a pas encore parlé hein, d'aujourd'hui, le sabotage, les sanctions qui sont mises, que le pays maintenant est sans moyens. Et aussi, tantôt tu avais dit que vous voulez parler aussi de... Qu'est-ce que ça veut dire, des coupures électriques de longue durée et des conséquences sur ça aussi, ouais. Moi, je voulais... En fait, quand il y a dans des pays... Quand il y a une grave crise comme ça, on voit toujours une grande différence entre les gens qui vivent dans les villes et les gens qui vivent à la campagne. Là, ça veut dire qu'en fait, ils ont la même vision aussi bien à la campagne que dans les villes, en fait. Pour moi, je ne dirais pas que c'est la même vision, mais les conséquences, elles se rejoignent totalement. Que ce soit les milieux populaires urbains ou les milieux populaires ruraux, ils ont une conscience, c'est que la révolution bolivarienne n'a jamais pu avoir lieu, mais qu'aujourd'hui, ils ont accès à un bien... En tout cas, hier, il y a 3 ans, ils avaient accès à un bien meilleur niveau de vie que ce qu'ils ont aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils n'avaient avant 98. Et que donc, de revenir en arrière, entre guillemets, en votant ou en ayant un gouvernement de droite ou d'extrême droite soutenu par les États-Unis, c'est se taillader les veines. C'est littéralement se remettre dans la misère soi-même. Et ils ne le veulent pas. C'est ce que j'ai l'impression, en tout cas. Si tu confirmes. Disons ce qui s'est... Ce qui s'est passé, c'est que les promesses de Chavez étaient énormes, notamment la promesse d'une réforme agraire, et cette réforme agraire n'a fait que commencer. Et aujourd'hui encore, on l'attend, quoi, ils l'attendent. Mais il reste quand même l'espoir, parce que c'est inscrit dans la Constitution, qu'un jour ça pourrait se mettre en place. Donc c'est pour les paysans, c'est très très important de rester chaviste, parce que c'était la possibilité de pouvoir travailler la terre, enfin, de posséder la terre sur laquelle ils travaillent. Et de mettre un peu fin à la possession, parce que, comme dans tous les pays d'Amérique latine, et ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, le Venezuela n'est pas un pays socialiste du tout. C'est un pays capitaliste, avec des grands propriétaires terriens, des grands entrepreneurs, et simplement, il y a un gouvernement... qui était élu en fin 98 et qui est un gouvernement qui avait un projet socialiste et qui a entamé une réforme assez profonde de la société et des mentalités dans la société, mais qui n'a pas réussi à organiser et à mettre en place les réformes qu'il aurait voulu faire. Ça prend du temps. Donc une révolution, c'est pas... Il n'y a que dans les rêves naïfs qu'elle se déroule en un jour, quoi. Et donc des choses ont été faites, mais il reste énormément à faire. Et il reste énormément à faire aussi pour préserver ce qui a été obtenu. Parce qu'aujourd'hui, vu la faiblesse, la plus grande faiblesse de l'État, donc il n'a plus les moyens d'entretenir les politiques d'aide qui avaient été menées sous Chavez et au début de Maduro, la droite en profite pour reprendre une série de choses. Et notamment par rapport à la terre, il y a de plus en plus de grands propriétaires qui expulsent les gens qui avaient reçu des terres de l'État. Des terres qui avaient été confisquées aux grands propriétaires terriens, qui ont été données aux paysans, et aujourd'hui, ben, les grands propriétaires viennent avec une milice armée, et ils évacuent les gens. Donc tout ça continue gens. Quand même, même... Bien sûr, ouais. Bien sûr. Il y a un combat quotidien pour préserver ce qui a été obtenu. Et donc, mais c'est surtout ça qu'il faut avoir en tête, c'est un processus. La révolution bolivarienne, c'est pas quelque chose, c'est pas un acquis. Peut-être on peut passer encore une musique, parce que sinon on ne va jamais arriver à... Je pense juste un truc qui permet de vraiment se rendre compte à quel point ça a été positif, le passage sous Chavez et même sous Maduro, c'est qu'aujourd'hui, nous avons rencontré plein de FARC qui sont au Venezuela. Et il faut se rendre compte que le niveau de violence vécu dans la population intrinsèque est nettement supérieur à ce qu'on vit en Belgique. Je veux dire, au sein de la population, je ne parle pas de l'État et de la police, au sein de la population. Mais il est nettement inférieur au Venezuela que dans plusieurs pays limitrophes, dont la Colombie, qui est une catastrophe ambulante. Et donc, il faut arrêter de se dire qu'aujourd'hui, le Venezuela est une catastrophe ambulante au sein de sa population, et que certaines personnes sont même venues chercher la quiétude, l'asile, et qu'on en rencontre aussi bien dans la campagne que dans les villes. Et ça, c'est vraiment, vraiment génial de pouvoir se dire... Un État qui n'a pas réussi sa transition, qui n'a pas encore réussi son processus révolutionnaire et qui a probablement peu de chances d'y arriver vu les pressions internationales, a quand même permis d'apaiser un certain nombre d'aspirations populaires et aussi un certain niveau de violence malgré tout. Tout à fait. Bon, encore une chanson qui peut accorder avec ça. Mira, te siguen manipulando, su mentira promocionando, tergiversa la verdad. Comenzaremos a hablar de dinero, ese que se necesita más que para respirar primero. El calentamiento global es secundario, hablar del ambiente no da rating, no es necesario, ya que el dinero para nosotros es lo primario, ¿para qué hablar de la pobreza que hay en los barrios? Lo que usted no sepa, aquí lo sabemos, de lo que usted dude, aquí lo convencemos. Y mientras que la mentira es verdad y la verdad escondemos, vamos a unos centros comerciales y ya volvemos. Si usted usted posee muchas acciones y tiene mucha plata, ¿para qué pierde su tiempo comprando cosas baratas? Llame ya y cómprese a mil fuertes cada corbata, o tal vez un carro veloz, quien quita y se mata. Marque el número que está en pantalla, cómprese un par de tetas o una metralla. Vaya a la guerra a dar la talla en la batalla, y si mata mucha, mucha gente, lo chequeremos gratis, una medalla. Televisión, la que te hace convicto, la que te vuelve loco, la que te vuelve adicto, la que te parte el coco y a creerte invicto en su mundo de mentiras y lleno de conflictos. Televisión, la que te enseña a vestir y cómo calzar, la que te enseña a dormir y cómo soñar, cómo sufrir, cómo bailar, cómo fingir, cómo cantar, cómo reír, cómo llorar, cómo vivir, cómo matar, cómo subir y nunca bajar los precios para especular. Sí, sí, sí, deme tres televisiones para llevar. Merci à vos amis en Venezuela qui ont envoyé ce bel morceau de musique de lutte. Ben voilà, on a toujours l'émission Transgenre, Radio Libre. Et voilà, on a parlé déjà de pas mal de choses, mais je voulais revenir un peu sur, de nouveau, bon, c'est intéressant, hein, c'est pour ça, sur le truc des communas aussi, que je me demandais quand même sur quel niveau on peut vraiment prendre des choses en main vraiment par une commune, aussi sur des infrastructures qui sont peut-être économiquement plus importantes et qui peuvent créer un peu plus de pouvoir vis-à-vis le gouvernement et aussi, par exemple, comme reprendre une entreprise et les gérer soi-même comme communa et tout ça. Est-ce que c'est quoi les réactions de gouvernement là-dessus et c'est quoi le statut? Est-ce qu'on c'est légal ou est-ce qu'on peut le faire ou pas, ou comment ça se passe? Je pense que la question elle se divise en trois parties. La première, c'est quelles sont les entreprises que peut faire une communa. La deuxième, c'est qu'est-ce qu'elle peut effectivement faire et est-ce qu'elle peut reprendre une entreprise. Et la dernière, c'est quelle est la marge de manœuvre par rapport à l'État. Ouais, super bien. La première partie, concrètement, c'est qu'une communa peut créer trois types d'entreprises. Une qui est entièrement dépendante de l'État, une qui l'est partiellement, et une dernière qui est entièrement indépendante. Comment ça se fait? Si on devrait l'imaginer en droit belge, ce serait dire la totalité, la moitié ou personne du conseil d'administration est gérée par l'État. Concrètement, ces entreprises peuvent à peu près prendre en main n'importe quelle activité socio-productive. Ça va du bloc de béton à créer un hôpital, à créer une maternité, à former des gens, créer une école, refaire les routes, faire le système d'adduction d'eau, créer une radio communautaire, créer une télévision communautaire. Ça va aussi dans la direction de dire on va acheter un camion communément et l'utiliser pour transporter nos morts, pour les enterrer, pour transporter nos légumes et aller les vendre au marché, communément et à moindre prix. Ça peut aussi bien être de dire demain, notre entreprise de construction communale sera commune. La distribution du gaz pourrait devenir commune. En fait, ils peuvent reprendre en main la majorité des activités économiques et de gestion territoriale de l'État. Donc ça, c'était la réponse à la première partie et partiellement à la deuxième partie. Donc ils peuvent reprendre une grande partie. Par contre, quand je dis reprendre, je ne parle pas de reprendre une entreprise. Ils peuvent la créer. Est-ce qu'ils peuvent racheter une entreprise? Je suppose que oui. Je n'ai pas la confirmation. Je n'ai pas demandé. En tout cas, ils ont le pouvoir d'agir sur leur territoire et de le décider communément. Et créer une entreprise localement ne signifie pas une entreprise au sens européen du terme. Donc une SA, c'est vraiment quelque chose qui est géré par les conseils communaux avec l'approbation des conseils communaux. Pour le dernier point, jusqu'à quel point l'État va pouvoir interférer avec les activités des entreprises, je pense que ça va fortement varier de l'endroit, des enjeux, de qui et à quel niveau de l'État. Et ça, je pense, c'est un point qu'on n'a pas dit, c'est que chaque niveau de l'État a son propre pouvoir, comme en Belgique. Et en fait, le véritable marasme dans lequel on se trouve en Belgique par rapport aux décisions écologiques, par exemple, où chacun des niveaux de compétences se renvoie la balle en disant « c'est pas la mienne, c'est la tienne », eh ben, ils peuvent l'observer, par contre, dans l'autre sens, où chacun essaye de prendre sa part de pouvoir ou sa part de contre-pouvoir ou la part d'autonomie qu'ils veulent laisser à ces communas, dépendant de qui est présent dans le conseil du municipio, qui est présent dans la parroquia, qui est présent au niveau de l'État. Et donc, il se peut très bien qu'un membre de l'opposition applique parfaitement à la ligne, en tant que gouverneur, la loi sur les communas, et un gouverneur du PSUV, qui est le Parti Socialiste Unifié, dont est issu Maduro, dont est issu Chavez, ou Chavez l'a plutôt créé ou coordonné, ben, va pouvoir avoir une activité qui va être complètement en opposition avec les communas de son territoire. Et donc ce n'est pas parce que je suis de l'opposition que je vais couler une communa, et ce n'est pas parce que je suis le PSUV que je vais la soutenir. Et vice-versa, c'est vrai aussi. Et donc il y a quand même des enjeux dans nos différentes visions politiques qui se croisent et qui se font des oppositions pour quelque chose marche ou marche pas. Ouais, et ça va jouer aussi sur le niveau de corruption et d'accaparement du pouvoir qui se passe à tous les niveaux de pouvoir de l'État, que ce soit au niveau de la police, de l'armée, de la garde nationale, machin, truc, bidule. Et chacun essaie de tirer sa part de la pelote. Et donc, c'est un peu difficile de dire à qui est la faute. Toujours est-il que, par exemple, quand Chavez a essayé par un référendum de faire passer l'autonomie des communas, non pas dans la loi, mais dans la Constitution, ça a échoué. Ça a échoué pourquoi ? À cause de son propre parti. Et ça a échoué pourquoi ? Parce que les municipaux et les États se sont mobilisés, ont créé une contre-campagne contre le vote du « oui, on veut que ce soit inclus dans la Constitution ». Et donc, c'est là qu'on peut vraiment voir que, quand on parle aujourd'hui d'un État qui a tenté une révolution socialiste, pour moi, il y a un processus qui a été tenté. Après, est-ce qu'il a abouti ? On l'a déjà dit non. Est-ce qu'il est en cours ? Oui, toujours. Est-ce que le gouvernement a utilisé les communas de façon appropriée ? Ça, c'est pas à moi de le répondre. Est-ce qu'elles fonctionnent aujourd'hui partiellement ? En tout cas, elles permettent aux gens de vivre mieux. Et est-ce qu'il s'oppose au fonctionnement des communas ? Oui, partiellement, mais ça dépend des endroits. Est-ce qu'il appuie le fonctionnement des communas ? Oui, partiellement, non, partiellement. Et en tout cas, depuis 2015, il ne donne plus de subventions. Et donc, dans la communa que vous avez visitée, est-ce que là, vous avez... Parce que tantôt, vous parlez quand même d'une vision libertaire ou autre. Est-ce qu'il y a certaines visions qui sont plus le pouvoir au peuple et moins sur le pouvoir représentatif? Allez, tu vois, est-ce qu'il y a un moyen, même pour cette vision libertaire, de se développer vraiment, réellement en Venezuela? La vision libertaire, je ne sais pas très bien ce que tu veux englober là-dedans, mais tu as des communas qui sont des entreprises récupérées. Par exemple, il y a une fabrique de sucre de canne où tu as, je ne sais plus combien de familles, mais un certain nombre de familles qui vivent... 50 familles vivent sur 200 hectares sur lesquels ils produisent la canne à sucre et ils la transforment en papelone, quoi, en sucre. Et donc, eux, ils sont organisés en comuna. Et ça fonctionne apparemment bien. Les gens peuvent en vivre et ils travaillent de manière beaucoup plus agréable, d'après ce qu'ils nous racontaient. C'est-à-dire qu'ils travaillent 8 heures par jour et ils ne font plus les équipes pour travailler en continu. Donc, c'est, pour eux, c'est quelque chose de vraiment bien, quoi. Et ils en vivent mieux qu'auparavant. Mmh. Il y a d'autres cas d'entreprises récupérées où les choses se passent de manière plus difficile, et on peut le comprendre parce qu'on vient de dire le mot corruption, et il faut voir à qui a intérêt à ce que ça fonctionne et que ça fonctionne comment. Et à partir du moment où certains politiciens ont un intérêt économique dans une entreprise, ils n'ont peut-être pas envie que les choses se passent en dehors d'eux. De leur pouvoir. Voilà. Mmh. Et donc, il y a des conflits. Et dans certains cas, si ces personnages sont importants, ils peuvent arriver à empêcher une communa de fonctionner. Donc, on flotte toujours sur une médaille qui a de côté, quoi. Il y a des choses qui sont très bien et d'autres qui ne sont pas propres. Mmh. Et quand on ne peut pas éviter de parler de la corruption parce qu'il y en a. Et c'est un des vrais problèmes du pays. Oui, peut-être c'est lié, mais je ne sais pas du tout. Donc, d'autres questions, c'était qu'est-ce que sont les conséquences d'une coupure électrique et c'est qui est derrière ce genre de sabotage? Parce que là aussi, on peut dire, mais voilà, ça, c'est néfaste pour reprendre certaines choses en commun aussi. Tout si tu n'as plus d'électricité, tu n'as plus moyen non plus d'exister ou de créer certaines choses. Ce qu'il faut se mettre en tête aussi, c'est que le Venezuela est un pays en guerre depuis plusieurs années. Cette guerre est d'intensité variable. Et par exemple, pour reprendre les toutes dernières années, en 2017, lorsque Maduro a lancé le processus d'une nouvelle assemblée constituante, il y a eu des garimbas, donc des combats de rue très violents qui ont été menés par l'opposition, qui ont fait plusieurs dizaines de morts. Qui faisait partie d'une guerre pour déstabiliser Maduro et pour empêcher la constitution de cette assemblée constituante. Une fois que la constituante a été installée, les garimbas se sont arrêtés du jour au lendemain. Comme cet essai n'a pas fonctionné, ils ont continué, l'extrême droite, je veux dire, et les États-Unis continuent à essayer de renverser Maduro de tous les moyens possibles. Donc ici, à partir du mois de janvier, quand Guaido s'autoproclame président du pays, c'est une provocation. Et il attendait à une réaction violente de la part du gouvernement. Il n'y a pas eu de réaction du gouvernement. Il y a eu une cinquantaine de pays qui l'ont reconnu tout de suite, donc les États-Unis, le Canada, puis une série de pays du groupe de Lima et des pays européens également. Mais ça, depuis le mois de janvier, le nombre de pays n'a plus augmenté. Et même ceux qui l'avaient reconnu commencent à se retirer peu à peu de leur soutien à Guaido. Donc la stratégie des États-Unis évolue et s'adapte aux conditions qui sont celles du pays au moment même. Donc Guaido se retrouve président, se dit président, mais en attendant, il n'a strictement aucun pouvoir. Et la nouvelle stratégie des États-Unis, c'est de faire en sorte que Maduro soit renversé par le peuple. Et donc, le meilleur moyen, c'est d'exaspérer la population et de faire en sorte qu'à un moment, elle se retourne contre le gouvernement et faire en sorte aussi que l'armée abandonne son soutien à Maduro. Et dans toutes ces stratégies, il y en a une, la dernière qui a été mise en place, c'était d'attaquer les grandes centrales électriques du pays. Il y a une grande centrale hydroélectrique dans le sud du pays qui alimente une bonne partie du Venezuela. El Gori. Oui. Et d'après les informations qu'on a reçues d'ingénieurs qui travaillent dans le secteur, il semble évident qu'un virus informatique a été introduit dans le système de gestion de la centrale qui a fait que cette centrale a cessé, n'a pas pu continuer de produire. D'un autre côté, la vétusté du matériel, du fait que le blocus qui est imposé depuis des années empêche le Venezuela d'acheter quoi que ce soit comme pièce de rechange de quoi que ce soit dans l'industrie, et que la plupart de ces industries ont été construites par des Occidentaux, ils ne peuvent pas remplacer les pièces. Ils n'ont pas la possibilité non plus de les construire eux-mêmes, puisqu'ils n'ont pas développé une industrie qui leur permettrait de le faire, ou l'industrie qui existait a périclité. Donc ils se retrouvent devant une faiblesse énorme de tout le système électrique, et à devoir faire face à des attaques qui sont répétées et qui sont multiformes. Donc la situation est assez terrible. Mais donc ça se situe dans le cadre d'une guerre, les coupures d'électricité. Alors les conséquences, elles sont énormes. Dans un pays qui ne possède quasiment plus de monnaie, de papier-monnaie, puisque le papier-monnaie, généralement, dès qu'il est émis, est exporté par toute une série de bandes qui exportent le papier-monnaie en Colombie ou au Brésil, qui permettent à ce moment-là aux Brésiliens et aux Colombiens d'acheter l'essence qui coûte quelques centimes le litre en 0,042 bolivars. Oui, oui. Enfin, ça ne coûte absolument rien. Ouais. Et donc, ils rentrent au Venezuela, ils achètent. Donc il y a tout un commerce qui se fait à ce niveau-là. Donc le pays se retrouve sans monnaie. Le seul moyen de payer, ce sont les cartes de crédit qui fonctionnent de manière électronique. Donc pas d'électricité, plus possibilité de payer quoi que ce soit avec les cartes. Plus d'électricité, donc tout le système d'alimentation en eau est également coupé, puisque les pompes ne fonctionnent plus. Donc imaginez une ville de 8 millions d'habitants comme Caracas sans eau, même si c'est vrai que certains quartiers n'ont jamais été raccordés à l'eau, mais c'était la minorité de la ville. Mais donc ça crée un choc. Et donc pour l'instant, la population vit plutôt en état de choc, essaie de survivre et de dépasser cet état-là, mais c'est extrêmement difficile. Je crois que ce que je peux rajouter, c'est que d'une part, c'était pas simplement les infrastructures d'électricité qui ont été attaquées. Nous, ce qu'on entendait justement de ces ingénieurs dont parlait Philippe, c'est que les infrastructures qui transportent l'eau, le gaz, ont aussi été attaquées électroniquement. Que les infrastructures électriques, certaines ont été brûlées, attaquées par des bandes inconnues encore aujourd'hui. L'origine, je préfère ne pas positionner. Concrètement, ce que ça a causé et qu'on a vécu de plein fouet, nous, donc à partir du 7 mars, par exemple, le 7 mars, on était à Caracas, on était dans un musée, on était en train de visiter le musée des sciences naturelles. Ça veut dire qu'on est rentré pour 5 km à pied. Et avec des files de personnes qui marchaient dans Caracas. Il faut s'imaginer les grands boulevards qui passent de Bellas Artes, qui est la zone, on va dire, culturelle de Caracas, centrale, vers la Plaza Venezuela, qui est la place centrale des institutions, on va dire ça comme ça. Il y avait le long des boulevards des quantités colossales de personnes qui marchaient. La ligne métro passe en dessous, mais les gens ne pouvaient plus prendre le métro. Et la réaction le lendemain, quand on s'est levé, qu'il n'y avait toujours pas de courant, on ne savait pas ce qui se passait, c'est encore pire, on avait des amis qu'on devait voir après, on ne pouvait pas les communiquer par téléphone. On n'avait plus de téléphone, il n'y a plus de réseau téléphonique. Il n'y a plus de lumière non plus pour quand le soleil s'est couché, il n'y a plus de frigo. Et puis il n'y a plus moyen de payer. Et puis le lendemain matin, on se lève, et en fait, ma première réaction à moi, avant que quelqu'un du collectif le dise plus tard aussi, c'est en fait, il ne va plus avoir d'essence, parce que les pompes ne fonctionnent plus. Il ne va plus avoir d'eau, parce que les pompes ne fonctionnent plus. Il ne va plus avoir de gaz, parce que si une distribution ne va plus fonctionner, il ne va plus y avoir, il ne va plus y avoir, il ne va plus y avoir. En fait, toute une société moderne technique s'effondre. Mm-hmm. S'effondre si ça dure suffisamment longtemps. Alors Caracas, en 4 jours, c'est revenu. Le reste du pays, c'est revenu aussi au bout de 8 jours pour tous les États presque. Mais ça, c'est quand même remarquable. Ouais. Mais par contre, y a, malgré les efforts du gouvernement, il y en a eu un deuxième clash, il y a eu un deuxième blackout, 2 semaines plus tard. Là, nous, on était dans la campagne. Alors, on était tellement dans la campagne qu'à part l'eau qui arrivait par un espèce de gros tuyau qui alimente Caracas à plusieurs dizaines de kilomètres de là, n'y a rien. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de machin. On était au milieu des arbres, on dormait dans une tente avec une moustiquaire. Grosso modo, nous, on n'a pas senti grand-chose. On avait toujours notre nourriture, on avait toujours tout le reste. Par contre, les gens à Caracas, ils n'ont franchement pas rigolé. Sérieusement pas rigolé. Et quand on est arrivé à cet endroit-là, on voulait payer par carte un pain pour l'amener à la personne qui nous recevait, et impossible. Le courant venait de se couper. Et donc, en fait, c'est tout plein de petits éléments comme ça qui ont l'air de rien, mais qui finalement pourrissent la vie de personnes. Mais non seulement la pourrissent, mais la rendent en péril. Et donc aujourd'hui, les personnes qui ne considéraient pas partir peuvent s'imaginer, enfin en tout cas moi je serais là-bas, je considérais sérieusement de partir, que si ça continue ainsi à couper tout le temps. Il faut s'imaginer qu'après la deuxième coupure, à part Caracas, tout le reste du pays est en rationnement. Et le ministre des Infrastructures, ce qu'il a dit, c'est que ça va durer au minimum 6 mois, si pas 1 an. Mais quand je parle de rationnement, je ne suis pas en train de parler d'un truc où, comme en Belgique, on pourrait imaginer qu'on te dit de 10h du matin à 5h du soir, tu auras l'électricité, le reste du temps pas. Parfois, à 2h du matin, ça revient, ça repart à 6h, tu sais pas. En fait, des fois, ça revient pas du tout. Des fois, ça revient, tu sais pas à quelle heure. Du coup, tu sais pas aller faire tes courses. Ou alors, tu attends le courant, et dès que le courant revient, tu cours faire tes courses, paf, ça a sauté. Et donc, en fait, tout le système urbain, des systèmes modernes, techniques, saute. Et là, c'est personnellement une réflexion que je posais par rapport au mouvement écologiste européen, et je reviens à des pensées écologistes des années 70, qui étaient énoncées dans le Nouvel Observateur, notamment en France. C'est que les personnes qui continuent à penser l'écologie comme une idéologie qui se doit d'être un progrès technique, pour moi, ils se plantent gravement. Et même produire l'électricité de façon locale, c'est grave, parce que ça veut dire qu'on est dépendant d'une technologie autoritaire qui est le panneau solaire. Ça peut quand même se faire sauter, ça peut quand même être contrôlé, et on peut arrêter de te livrer ton panneau solaire du jour au lendemain, 10 ans plus tard, tu seras dans la merde. Et parce donc... que là, de nouveau, la différence entre le survie dans le rural, où les gens... moins d'habitude de compter sur... Mais même en rural, en fait, hein, aujourd'hui en Belgique. Non, non, mais je veux dire en Venezuela, si tu vis dans montagne, t'as pas... Mais moi, je me permets de faire un parallèle avec la société belge actuelle, c'est... On a plein de mouvements écologistes. Si on n'apprend pas du fait que dans un pays qui était techniquement similaire à la Belgique, parce qu'ils ont vécu avec un niveau de vie, il faut se rendre compte que sous Chavez, ils vivaient avec un niveau de vie similaire à celui de la Belgique. Ils ont des smartphones, enfin, il ne faut, faut pas penser non plus que c'est l'âge de pierre, même aujourd'hui. Eh ben, ils ont quand même pris sérieusement dans la figure, et eux, ils sont en train de penser à instaurer en ville des toilettes sèches, etc., des choses qu'on n'envisage pas en Belgique aujourd'hui. Nos amis du collectif sont en train de faire des ateliers pour apprendre aux gens à faire des séchoirs solaires, parce que le séchoir solaire, c'est la seule chose qui permet à des gens en ville de pouvoir conserver des aliments sans électricité, sans frigo. Et donc, en fait, toutes les technologies qui sont autoritaires, c'est-à-dire qui te rendent dépendant de quelqu'un d'autre, une arme est autoritaire, un panneau solaire est autoritaire, une éolienne est autoritaire, un réseau électrique est autoritaire, un téléphone est autoritaire. En fait, pour finir, la canette de bière est autoritaire. Tu es dépendant de quelqu'un, devient dangereuse dans un cadre où il y a une attaque si tu as une volonté réelle de changer la société. Et ça, je pense que c'est une réflexion forte à faire, encore plus dans une radio qui se veut un peu anarchiste. Tout à fait. Mais bon, si on continue encore ce sujet, on a ici jusqu'à minuit, je pense. Non, tu as tout à fait raison. C'est bien pour une idée pour une prochaine émission. Je ne sais pas parce que si parce que ça, ouais, entre-temps il est 10h. Bon, vous êtes en train de faire ce documentaire. Vous avez documenté plein de choses. C'est quoi l'idée après? C'est vous avez beaucoup de matériel, je suppose, et déjà une idée. De quoi faire l'idée, avec l'idée, d'abord, ce sera qu'on en parle entre nous pour voir ce qu'on va pouvoir faire avec le matériel et réécouter tout ce qu'on a enregistré et revoir tout ce qu'on a, tout ce qui a été filmé. Et après, ben, on pourra voir ce qu'on va faire. Ce qu'on a envie d'en faire, c'est, enfin, moi, en tout cas, ce qui me plairait, c'est d'arriver à montrer ce qu'on a vu. Oui, parce que les images, les interviews, et ça parle. Mais montrer réellement ce qui a été vu et pas en faire un outil de propagande ou quoi que ce soit. Donc on va encore entendre de vous et vous allez encore retourner. Après, on a un problème moral qui est... Enfin, c'est vachement ennuyant de se retrouver dans une situation où on veut faire de l'information. Ils nous coupent le courant pendant 4 jours, on ne peut plus communiquer avec la Belgique. Et l'information qu'on avait créée 4 jours plus tôt, elle est déjà caduque. Je suis en Belgique, Philippe est en Belgique, nous sommes en Belgique, on a 50 heures de matériel vidéo, il est déjà caduque. Donc en gros, comment réussir à faire un reportage, comment réussir à faire un court-métrage, comment réussir à faire un contenu audio, visuel ou les deux, qui permet de montrer une réalité qui serait intemporelle et non conditionnée par les événements. Et ça, ça va être un challenge. Je pense que de l'autre côté, il y a d'autres idées. Et je crois que là, je me mets en opposition totale avec énormément de mouvements européens. Les imbéciles, et je vais les traiter d'imbéciles, les imbéciles qui continuent à dire qu'ils ne peuvent pas soutenir le Venezuela parce qu'aujourd'hui, il y a Maduro à la tête et que c'est un dictateur, ce sont des graves dangers pour la survie du peuple. Parce qu'aujourd'hui, des peuples. Parce qu'aujourd'hui, la Belgique est en train de contribuer à ce qui s'y passe là-bas. Et retourner ici en Belgique est vraiment dur de voir les gens qui sont sur la place Flagey en train de se boire une bière, de n'avoir rien à foutre et se mettre les deux doigts dans le cul et de ne pas bouger leurs fesses, alors que Didier Reynders et le gouvernement de droite et d'extrême droite belge est en train de foutre dans la merde avec le reste de l'Europe et les États-Unis un peuple, des peuples indigènes, des peuples qui n'ont rien demandé là-bas, au Venezuela et dans d'autres pays. Et donc, tant que ici, on continuera à dire bah oui, on peut pas prendre le soutien parce que la propagande nous a bien appris que finalement ils étaient pas sympas, ils étaient pas aussi bien. Bah oui, ils sont capitalistes, bah oui, ils sont bourgeois. Et en plus, Maduro a même été balancé que la bourgeoisie est révolutionnaire. Comme quoi, on peut vraiment révolutionner la révolution. Mais n'empêche que de l'autre côté, on se retrouve avec des personnes qui sont en train de soutenir par défaut. Et je leur demande pas de soutenir Maduro. Je soutiens pas Maduro, je trouve que c'est un imbécile et qu'il est dangereux parce qu'il est corrompu, il dit pas ce qu'il fait. Enfin, lui, je sais pas s'il est corrompu, mais en tout cas, tout son gouvernement l'est. Et tout son système étatique l'est. Par contre, de l'autre côté, on a des personnes qui continuent à dire « Non, en fait, on ne va pas soutenir. » Et donc, des idées qui sont émises de notre côté, de dire « Nous, on va soutenir, mais on ne va pas soutenir Maduro. Nous, ce qu'on va soutenir, c'est le processus qui est en place. Nous, ce qu'on veut soutenir, c'est les peuples qui peuvent devenir des amis. Les amitiés entre les peuples, ça s'appelle l'internationalisme. Et ce qu'on aimerait faire pour soutenir, et ça nous semble bien peu, et on est franchement, personnellement, je suis un peu démotivé en rentrant, c'est quoi ? C'est créer des brigades. C'est créer des coopératives transnationales qui ne seraient pas des multinationales, qui seraient simplement dire « t'as deux personnes là-bas, t'as quatre personnes ici, bah nous on va travailler ensemble ». Ce serait de dire bah, « des personnes de là-bas peuvent venir se former en Belgique », ce serait de dire que les personnes d'ici peuvent aller se former là-bas, ce serait de dire que les liens que l'on créerait sortent des liens traditionnels entre l'État et que même si la Belgique continue à maintenir sa position, et c'est vrai que les gens de Flagey, ils n'auront pas beaucoup de pouvoir sur Reynders, mais n'empêche que ce serait quand même chouette qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils se disent bah, on pourrait faire plus qu'acheter les cafés des apatistes au Baume Café. On peut quand même se dire tout doucement que malgré le blocus sur le cacao, le meilleur cacao du monde qui est produit au Venezuela, on peut commencer à venir ici en Belgique et faire le meilleur chocolat avec le meilleur cacao du monde. Je sais pas, pourquoi pas. Plein d'idées, plein d'analyses. Encore une petite musique, je suppose, parce que sinon, bah bon, on peut remettre encore d'autres musiques après dans le podcast, comme ça. Pero eso no era problema con mi técnica de judo. panas pican duro. En chichiribiche, no quiero berrinche. Quiero que la gente brinque como chinche. Que se relajen, que formen el bochinche. Porque con esta letra voy a hacer que relinche. Que gocen tanto hasta que se les hinche lo que se tiene que hinchar después de que te pinche. En chichiribiche nada huele piche. Hueles a salitre combinado con ceviche. Invito al quedao, invito al metiche a que venga pa' esta tierra antes de que yo lo piche. Ven pa' malecón, ven como turista, ven como ciclista, ven como surfista. Ven pa' los callos que están a simple vista. Ven como tú quieras, pero anótate en la lista. Recuerdo los artesanos, recuerdo los colombianos. Recuerdo aquella casa conviviendo como hermanos. Gracias a un paisano que nos extendió su mano. Recuerdo el olor a pizza del italiano. Esto es chichiribiche, suelo venezolano. Donde se habla castellano, no se habla inglés. Y con todo y eso hasta conocí un danés con una argentina. Tanto tripeo en una playa tan fina. Y tú aburrido en tu casa viendo el show de Cristina. Chichi me dejó hecho escombros, con un bronceado en la cara y en mis hombros. Tengo testigos, si quieres los nombro. Chucho en la flauta, en el cuatro billy. La guitarra gilito y cacallada con el feeling. En esta canción que es como para el cine. Y simplemente se define de récord Guinness. Gracias Chichi, no te olvidaré. Por todos los momentos que contigo pasé. Aunque te tapen del mapa, juro que te alumbraré. Y aunque me encuentre muy lejos, a ti yo volveré. A ti regresaré de malecón hasta los cocos. Siempre repetiré. Dame pa' matarla, ¿eh? Tramanda nata, chacharabacha. Tramanda nata, chacharabacha. Tremende nete, checherebeche. Tremende nete, checherebeche. Trimindi niti, chichiribichi. Trimindi niti, chichiribichi. Tromondo noto, chochorobocho. Tromondo noto, chochorobocho. Trumundo nuco, chuchurubuchu. Trumundo noto, chochorobocho. Tremenda nota, chichiribiche. Tremenda nota, chichiribiche. Tremenda nota, chichiribiche. Tremenda nota, chichi. A ti yo volveré, chichiribiche. A ti yo volveré, mi chichi. A ti yo volveré, chichiribiche. On arrive à presque à la fin de l'émission, mais je veux bien entendre encore Philippe sur ses idées, comment on peut soutenir Venezuela d'ici. Oui, oui, donc d'Europe, on peut faire pas mal de choses. C'est évident de créer des réseaux qui permettent d'avoir des échanges de personnes entre Européens et Vénézuéliens, ça c'est extrêmement important. Et ça, ce serait le rôle des brigades. Mais je crois qu'on a un rôle politique aussi à mener et s'adresser à qui de droit pour faire changer certaines choses, notamment au niveau du Parlement européen, qui prend, et la Commission, qui prennent des décisions et des sanctions contre le Venezuela. On n'est pas consulté pour qu'ils le fassent. Ça se fait tout à fait en dehors de nous. Des sanctions qui sont prises, par exemple, par Euroclear, qui est une société de une chambre de compensation entre banques et qui aujourd'hui détient 1,2 milliard d'euros qui appartiennent au Venezuela. La Banque d'Angleterre qui refuse de rendre l'or que le Venezuela lui a confié. Ce sont toute une série d'actions qu'on peut mener d'Europe, d'abord faire connaître ces questions tout à fait scandaleuses et faire en sorte que l'étau du blocus se desserre, parce que c'est tant que blocus agira, on ne pourra pas faire grand-chose, et eux-mêmes ne pourront pas faire grand-chose au Venezuela, sauf continuer dans ce jeu tout à fait... Enfin, qui n'est pas un jeu, mais de la part des Américains, en tout cas, c'est un jeu tout à fait malsain qui essaie d'étouffer un peu pour qu'ils se révoltent. Et donc, là, je crois qu'on doit vraiment s'adresser aux politiques et agir nous-mêmes en faisant connaître... En faisant connaître la situation et amener que cette situation change. Dans le monde, il y a à peu près 30 milliards de dollars qui appartiennent au Venezuela, qui sont bloqués dans différentes institutions bancaires ou autres. Donc ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter. Il faut que ça se sache et qu'on proteste au niveau du politique. Et les périodes qu'on va traverser pour l'instant sont tout à fait intéressantes par rapport à ça, pour agir sur ceux qu'on voudrait lire, mettre la question du Venezuela à l'ordre du jour et de l'actualité, et en d'autres termes que ceux qui sont employés par la presse aujourd'hui, en Europe en général et en Belgique en particulier. Il n'y a pas un journal qui soit fichu de sortir un article à moitié objectif sur ce qui se passe là-bas. La seule chose qu'ils font, c'est reprendre les dépêches qui sont plus ou moins aménagées, ou même pas du tout, et qui sont dictées par les États-Unis. Donc c'est absolument scandaleux. Il y a un refus d'informer à tous les niveaux, que ce soit la presse écrite ou audiovisuelle. Donc là, je crois qu'on doit protester. Ce qu'on a fait tout un temps et ce qu'on continue à faire quand un article est absolument scandaleux, enfin ils le sont tous, tu me diras, mais quand un article ne va vraiment pas, on peut intervenir auprès du média qui le diffuse et faire remarquer que leur travail n'est pas correctement fait. Et à force de il faut les harceler, leur montrer que l'opinion publique pense autrement que ce qu'ils voudraient nous faire croire qu'on doit penser. Est-ce que ça, c'est quelque chose que Venezol fait? Est-ce que là, il y a plusieurs... C'est un réseau ou plusieurs différentes... Venezol, c'est une plateforme. Et donc, ce sont des individus qui appartiennent à différents groupes, essentiellement Zine TV et Zine TV. Il y a des personnes visuelles aussi. Et c'est surtout des individus qui se mobilisent pour cela. Et on n'est pas très nombreux, mais on agit en publiant en tout cas une autre information. Donc sur venezol.org, tous les jours, vous trouverez une information qui vient d'un média, soit de Venezuela ou d'un média qui nous semble audible. Et individuellement aussi, on essaie de réagir quand on le peut, parce que ça demande beaucoup de temps aussi, en écrivant aux médias qui publient des choses impubliables. Mais donc, les gens qui sont intéressés par le sujet, ils peuvent s'adresser à... Bien sûr. Oui, c'est ça. Juste pour donner quelques coordonnées avant que vous partez, que les gens savent à qui s'adresser pour soutenir. Je pense que la thématique des brigades, même si elle n'est pas lancée encore en Belgique, il y a moyen de citer le fait qu'il y a des brigades qui vont partir de Suisse, de France et d'Italie en juillet et en août de cette année. Et que donc il y a déjà un processus qui est en cours et il y a déjà des choses qui se font, et que donc si des gens désirent y aller, il y a déjà les contacts qui sont pris, les choses sont faites, et donc contacter surtout, ça permet de se mettre ensemble, et ensemble on peut vraiment, il y a les contacts qui sont pris sur place, les choses sont pas forcément déjà prévues, et c'est justement ça qui est bien. Si quelqu'un veut y aller pour aller dans les communautés locales et voir comment se passent les accouchements là-bas, c'est très bien. Parlons de sage-femme. Si quelqu'un veut aller apprendre comment fonctionne la sienne date cacao, c'est très bien. Si quelqu'un veut aussi aller participer aux dynamiques socio-culturelles qu'il y a là-bas, il y en a des vraiment très chouettes, qu'ils y aillent. Enfin, il y a quelque chose à voir, et il ne faut pas oublier, quand les groupes se dissocient ici, et j'ai peut-être été un peu dur auparavant, les groupes, quand ils se dissocient aussi ici, c'est qu'il y a aussi des groupes d'anarchistes là-bas. Il y a aussi des groupes de communistes, il y a aussi des groupes... Et donc, même au terme d'identité classique dans une société thermo-industrielle, il y a la même chose là-bas. Et donc, il y a aussi moyen de s'identifier à des personnes sur place, et ce serait quand même un peu dommage qu'on se prive de cela ici, alors qu'on le fait très bien avec d'autres pays qui nous semblent plus proches, parce que la propagande a été moins dure ou différente. Ok, tout à fait. Ben voilà, je vous... très grand merci. Parce que vous prendre votre temps, parce qu'on a passé... Et je pense qu'il y a plein de choses à dire, mais on va encore entendre de vous après. Hein, donc, c'est pas fini, votre histoire. Donc, ouais. De toute façon, on peut mettre certaines choses sur le blog aussi, de Transanar, si vous voulez. Comme ça, les gens savent vous contacter, avoir plus d'infos. Peut-être encore une petite musique, et alors on lance, comme la tradition fait, un petit agenda indie média, mais très court, pour la semaine qui suit. En la cola de retén fue que te vi. Te vi. Visitabas a tu hermano aquel día. Vi cómo te requisaba la guardia, flechado envidia la verde oliva. Eres un ángel entre los muertos vivos. Tu aroma se olvidar toda la pestilencia. La vida de las brujas cobraba sentido. En todo lo rendido despierta resistencia. Oh no. Ladraban, aullaban todos los gariteros. Los metales brillaban abriendo tu camino. Lengua afuera cual canino con tu contoneo, pidiéndole a Dios describirme en tu destino. Ladraban, aullaban todos los gariteros. Los metales brillaban abriendo tu camino. Lengua afuera cual canino con tu contoneo, pidiéndole a Dios describirme en tu destino. El hombre de verde se te acercó. Pensé de una en lanzarme un 460, pero mi pana llamó mi atención, preguntándome, ven aquí con quién tú cuentas, mijo. Ladraban, aullaban todos los gariteros. Los metales brillaban abriendo tu camino. Lengua afuera cual canino con tu contoneo, pidiéndole a Dios describirme en tu destino. Ladraban, aullaban todos los gariteros. Los metales brillaban abriendo tu camino. Lengua afuera cual canino con tu contoneo, pidiéndole a Dios describirme en tu destino. Y llegó la noticia del traslado. Otra vez el azar en mi vida presente. Trato de controlar sin andar revirao. El amor hacia ti es la vida o la muerte. El amor hacia ti es la vida o la muerte. Si me quedo puedo perecer. El amor hacia ti es la vida o la muerte. Si me voy te voy a perder. El amor hacia ti es la vida o la muerte. Aunque tú en la vida me has visto. El amor hacia ti es la vida o la muerte. Por ti estoy entre el diablo y Cristo. El amor hacia ti es la vida o la muerte. Si me quedo no tengo salida. El amor hacia ti es la vida o la muerte. Amor de retén, amor de suicida. Yes, I, Pituaya, Antisisaya, A.K.A. Compuesto, Ernesto, El Kili, Maya Cochero. Que me depara el destino, mi amor. Que me depara el destino y la vida. Me dices que voy de mal en peor. Que sin tu amor yo no quiero mi vida. Que me depara el destino, mi amor. Que me depara el destino y la vida. Me dices que voy de mal en peor. Que de mi amor tú no estás convencida. Yo soy uno de los escogidos. Soy uno más que no se dio por vencido. Soy uno más de este mundo al revés. Que en un coliseo perdió la vida. Por una mujer.